l'évolution de la conscience. L'évolution de la conscience fait que des fois le corps oublie. Il est mal synchronisé, il fait la musique à part, la musique à on s'ajuste. Le corps physique, tout le monde sait qu'est-ce que c'est. La conscience, ça, ça peut être une question à poser. Il y en a qui ont la conscience d'eux-mêmes. Ils disent « je suis, je pense, j'ai faim, j'ai soif, j'ai peur, j'aime, je déteste, je veux ». À travers ces expressions, il y a beaucoup d'expressions qui s'adressent au corps physique. J'ai faim, c'est le corps qui a faim. J'ai soif, c'est le corps qui a soif. La conscience, certains la disent divine, d'autres la disent extraterrestre, et d'autres n'en parlent simplement pas. Alors nécessairement, ça devient un peu compliqué de parler de l'évolution du corps physique dans l'évolution de la conscience si on n'a pas tout à fait la même opinion de ce que c'est que la conscience. La conscience, par définition, une définition, disons, très PMC, c'est révélable à la quantité d'influx ou de stimuli que peut analyser un cerveau, ainsi que la profondeur de l'analyse. Alors, il y a des êtres humains qui sont capables d'analyser certains influx, des influx visuels, et pendant qu'ils se regardent, ils n'entendent pas. Leur conscience est donc limitée. Pendant qu'ils regardent, et peut-être pendant qu'ils entendent, ils ne sentent pas. D'autres, pendant qu'ils sentent, ne peuvent pas écouter ou voir clairement. D'autres encore ne savent simplement pas, mais ils entendent des bruits, mais ils ne les décodent pas, ils ne savent pas ce qu'on leur dit. Plus l'être humain a besoin d'être concentré, nécessairement, plus sa conscience est petite. Je ne dis pas que plus l'être humain est capable de se concentrer, je dis plus l'être humain a besoin de se concentrer, nécessairement, plus sa conscience est petite. Parce qu'il n'est pas capable d'analyser différents influx en même temps, alors il concentre son attention vers un seul point et il fait fi du reste. Sa conscience est limitée. Plus l'être humain grandit, plus l'être humain s'améliore, plus son schéma de conscience devient grand. Mais son schéma de conscience est nécessairement limité par son cerveau et par son système endocrinien, par la faculté qu'aura son âme de s'exprimer émotivement, dérangeant le corps et dérangeant le cerveau. On peut prendre un individu, lui faire un lavage de cerveau complet et le reprogrammer. Mais on ne peut pas prendre un sceau pour en faire un génie. Parce que ça dépend du corps. Par contre, l'être humain, à la différence d'un ordinateur, même s'il a une mémoire morte, la génétique, une mémoire qui n'est pas vivante, théoriquement, qui ne change pas, même si l'être humain a, comme l'ordinateur, une mémoire vive, une mémoire vivante, la mémoire qui est l'information, l'expérience, l'éducation, et celle-là, elle change. La différence que l'être humain a comparativement à l'ordinateur au niveau de son corps, au niveau de la mémoire matérielle, le cerveau, le système endocrinien, c'est que le corps physique a une faculté que l'ordinateur n'a pas. Et là, la faculté de se transformer, de muter. Et nécessairement, l'évolution de la conscience engendre dans le corps physique l'obligation du corps physique de se changer pour permettre à la conscience d'être exprimée. Il y a énormément d'humains qui évoluent. Le problème, c'est qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas parce que dans leur corps physique, leur évolution ne s'exprime pas. Il veut être patient et il est toujours énervé, toujours impatient. Il veut être calme et il vit la même chose. Dans sa tête, il voit l'intelligence de faire ceci ou de faire cela, de réfléchir, d'être bon mathématiquement, d'être économe. Et il n'y arrive pas. Il se passe quoi? Il se passe qu'il y a deux formes d'évolution au niveau du corps, au niveau de l'homme. Il y a une évolution expérientielle, l'évolution de l'âme, une évolution très farfelue, Parce que l'âme de l'homme, c'est quelque chose de mort. Ça n'évolue pas. Ça accumule de la mémoire. Ça accumule des connaissances. Ça accumule de l'expérience. Et ça devient sage. La sagesse, chez l'homme, est ce qui remplace l'intelligence. Un sage n'est pas intelligent. Il a de l'expérience. Et parce qu'il a de l'expérience, il a de l'intellectuance. Et parce qu'il a de l'expérience, il peut répondre, solutionner des problèmes qu'il connaît. Des problèmes qui ressemblent à ce qu'il connaît. Mais il ne peut pas affronter des choses totalement neuves parce qu'il n'a pas un contact avec l'instantané, avec le neuf. Il n'a que de contact avec sa mémoire, avec le vieux. L'âme de l'homme est la seule chose à l'intérieur d'un corps humain qui n'évolue pas. Elle accumule de l'expérience et elle apprend. Elle apprend tant bien que mal. Pourquoi? Parce que l'âme est de la mémoire. Elle se rappelle l'erreur, mais elle se rappelle aussi ce qui l'a poussée à faire l'erreur. Alors elle recommence l'erreur et elle recommence à se rappeler que c'est une erreur. L'âme n'évolue pas. L'âme est aussi l'un des rares phénomènes de l'homme, à part le corps physique, qui est mortel. Et étant donné que l'âme est mortelle, c'est-à-dire que l'âme peut être oubliée. Alors l'âme, reliée à des égrégores collectifs, engendre les cultes, de façon à ce que l'homme travaille pour sauver son âme. La conscience, ce n'est pas quelque chose de mémoriel. La conscience, ce n'est pas question d'expérience. La conscience n'engendre jamais de sage, de sagesse. La conscience, elle permet à l'homme, à la femme et à l'enfant, d'avoir accès à un événement complexe, à un événement majeur, d'avoir accès à l'information immédiate dégagée par ce qui est événementiel. La conscience permet à l'homme de savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir. Lorsque l'être humain est conscient, c'est qu'il le vibre. Lorsque l'être humain apprend, c'est qu'il l'a mémorisé. Lorsque l'être humain comprend, c'est qu'il vibre ce qu'il a mémorisé. La conscience ne demande pas de mémoire. La conscience ne demande pas à un être humain de devoir se rappeler ce qu'il a dans sa mémoire. Ce n'est pas nécessaire. La conscience ramène à l'humain ce qu'il a besoin de savoir, autant de fois que l'humain a besoin de le savoir. Donc, l'être conscient n'a pas besoin de mémoire. La mémoire, c'est au cas où on perdrait la conscience, eh bien on aurait la mémoire de notre conscience. Et si on a la faculté intellectuelle de se rappeler au bon moment les bonnes choses, on a des chances de refaire revenir notre conscience, la mémoire d'une conscience instantanée. Et là, on pourra dire, nous sommes sages. Vibrer à un état, vibrer à un événement, être conscient de quelque chose. C'est un état de vibration, c'est une résonance, un sentiment, ce n'est pas une émotion. L'homme ne peut pas vouloir être conscient. L'homme ne peut que découvrir. Il est de plus en plus conscient, donc il se conscientise. Étant donné que la conscientisation ou l'évolution de la conscience est une question de vibration, nécessairement la conscientisation vient perturber l'énergie intra-atomique, l'énergie vitale des cellules du corps, donc du système atomico-moléculaire du corps. Et la conscientisation engendre inévitablement une transformation du corps. Où c'est intéressant de savoir cela, c'est qu'on peut immédiatement coucher. Comprendre ceci. On peut comprendre que lorsque nous évoluons, combien de fois l'homme arrive-t-il à des résultats? Il travaille, il pense, il se sent coupable, il a peut-être honte, il se repent, il lit, il va à des conférences. Il écoute des émissions de télévision. Et inévitablement, il prend conscience de certaines choses. Mais ce que nous conscientisons, nous le mémorisons toujours un peu de travers. Un point tel que l'homme est obligé d'écrire. Lorsque l'être humain parle et qu'il dit « Hey, ce que je viens de dire là, wow, c'est au bout, il faut que j'écrive avant d'oublier. » La conscientisation, ce n'est pas question de mémoire, c'est question d'instantané. Nécessairement, ça s'oublie vite. Pourquoi? Parce que lorsque l'être humain arrive à une conscience particulière, sa partie amique, l'âme, est tellement contente qu'elle fait tout pour s'accaparer de la conscience et nécessairement la conscience meurt. Alors l'homme, la femme, l'enfant se dit « Vite avant que je l'oublie. » La sagesse, ça s'apprend. La conscience, ça s'exprime. Le sage n'est pas conscientisé. Le sage est expérimenté. Lorsque nous pratiquons des choses, lorsque nous avons obtenu des résultats, il y a peut-être 6 mois de notre vie, 1 an de notre vie qu'un jour on a passé heureux. Le bonheur ne se mémorise pas. On mémorise qu'on a été heureux. Mais si on se rappelle de ce bonheur, on ne redevient pas heureux. On ne fait que s'en rappeler. On vibrait ce bonheur. S'en rappeler ne sert à rien. Le sage qui se rappelle son bon vieux temps pleure. S'il est vraiment sage, il fait tout pour ne pas s'en rappeler. C'est plus simple. Lorsqu'une personne vit, elle apprend des choses, elle arrive à conscientiser certains phénomènes et nécessairement elle se transforme pendant un laps de temps très limité et ça se perd. On a eu de la volonté pour faire du ménage dans sa maison, dans sa valise automobile, ou de la volonté pour faire du jogging, pour faire de la course, se remettre en forme. Ça dure 3 mois, 4 mois, 5 mois, puis finalement, c'est plus là. Il manque quelque chose. Il manque qu'à un moment donné, on a vibré à quelque chose, et cette vibration-là, on l'a mémorisée. L'ayant mémorisée, on ne vibre plus à elle, mais on a appris d'elle. Et parce qu'on a appris d'elle, et maintenant on le fait. Et il vient à un moment donné, à force de travailler avec la mémoire, on ne vibre tellement plus ce qu'on est en train de faire, qu'on arrête de faire. Alors on lâche les régimes, on lâche la bonne alimentation, on lâche la condition physique, on lâche les études, on lâche le travail, on lâche l'évolution améliorative, on lâche bien des choses. Pour comprendre l'évolution de la conscience, et nécessairement cela va engendrer des mutations corporelles, des pathologies, des maladies, cela peut aussi engendrer des symptômes particuliers, des bourdonnements d'oreilles, des sons, des bizarreries. Ça, c'est les symptômes négatifs de la mutation, mais on n'a pas le choix, on passe par là. L'autre symptôme positif que la mutation engendre, c'est simplement que la journée où vous allez conscientiser le calme, resterez calme. Quel que soit l'événement qui va vous sauter au visage, vous resterez calme. Parce que le calme va maintenant appartenir à votre génétique corporelle. Le calme va appartenir à votre corps physique. Autrement dit, la panique ne pourra pas s'exprimer dans le corps physique. Elle sera vécue par l'âme. Elle sera vécue par l'ego. Mais jamais vous ne le saurez. Quand l'être humain est angoissé, il ne le sait que si le corps physique l'exprime. La personne qui prend sa pulsation cardiaque, qui est à 80, et la personne qui se rend compte que sa respiration est normale, elle ne transpire pas, il ne se passe rien, se regarde dans un miroir, il n'y a pas de mydriase, ses pupilles sont normales. Je n'ai pas peur. La personne qui est assise dans sa chaise, et puis à un moment donné, le cœur commence à accélérer tout seul, elle se met à transpirer, respiration accélère, elle va dire, mais non, qu'est-ce qui m'arrive? Mais elle va découvrir qu'elle a peur. Et elle va savoir, elle va chercher à savoir pourquoi elle a peur. Elle n'a pas peur du point de vue de l'ego. L'âme n'a pas peur. Le corps physique exprime quelque chose qui ressemble à la peur. Une personne qui a un infarctus du myocarde, disons, elle a peur. Parce que la crise d'angine, comme l'infarctus, ressemble énormément, surtout la crise d'angine, disons, ressemble énormément à la peur. Et plus elle a peur, plus elle engendre de la crise d'angine, ce qui peut se terminer en infarctus du myocarde. Et là, on doit donc lui expliquer de respirer lentement, de se calmer. vibration est exprimée dans le corps physique, mais pas par les hormones. Toute émotion, la mémoire d'un sentiment, est exprimée dans le corps physique par le système hormonal. Lorsque vous avez un état d'alerte vibratoire, vous marchez quelque part dans la rue et quelqu'un surgit. Il y a un état d'alerte vibratoire. Si vous êtes suffisamment conscient, vous allez le savoir avant même que la personne surgisse. La personne surgit, votre corps est prêt. Vous reconnaissez l'individu, il n'y a pas de danger et le corps se calme. C'était une perception vibratoire ou perception consciente. Si c'est une perception émotive, vous allez sursauter, l'âme s'exprime par le système endocrinien, par les voies hypothalamiennes, sécrète des hormones pour qu'elle puisse lire qu'elle a eu peur. Et là, vous reconnaissez la personne et puis vous dites « Ah, ben, c'est toi ». Et puis, 2, 3, 30 secondes après, le cœur commence à accélérer, les hormones sécrétées maintenant commencent à faire leur effet, et maintenant, vous vivez la peur alors que l'âme n'a plus peur. Lorsque l'être humain veut tout mémoriser, lorsque l'être humain s'achète plein de livres, on peut acheter des livres pour comprendre, on n'achète jamais de livres pour apprendre. Pas dans l'évolution. On peut apprendre la mécanique, ça peut aller. Un être conscient sait la mécanique, pas besoin d'apprendre. Mais on peut apprendre la mécanique en attendant. Mais lorsqu'on achète des livres pour apprendre l'ésotérisme, pour apprendre ce que c'est qu'un ovni, pour apprendre qu'est-ce que c'est qu'une mutation, pour apprendre qu'est-ce que c'est que l'évolution, pour apprendre les vieilles traditions, non, pour apprendre même le tarot, le tirage de cartes, non plus. Lorsqu'on achète des livres, pour comprendre, c'est autre chose. La majorité des êtres humains achètent des livres pour apprendre. Apprenant, ils peuvent en parler. Mais en parlant, tout ce qu'on peut se rendre compte, c'est qu'ils parlent énormément, mais ils appliquent absolument rien de ce qu'ils disent. L'homme n'est pas sur la planète Terre pour être heureux. L'homme n'est pas sur la planète Terre pour être en paix. L'homme n'est pas sur la planète Terre pour apprendre. L'homme n'est pas sur la planète Terre pour se multiplier et recouvrir la surface du monde. L'homme n'est pas sur la planète Terre pour inventer des choses dans la matière et vivre dans un luxe avant de mourir. L'homme n'est pas sur la planète Terre pour vivre, avoir des problèmes et mourir. Il y a énormément de buts que l'humanité s'est donné de façon à mieux supporter sa condition d'ignorant en tant qu'il ne sait pas ce qu'il est et qu'est-ce qu'il fait. Il y a énormément de systèmes philosophiques qui recherchent la paix et le bonheur. Après des millions d'années, l'homme ne l'a toujours pas trouvé. Moi, je vous dis qu'il y a quelque part près de Saint-Eustache à 6 pieds sous terre, un immense trésor des Templiers. Ce trésor qu'on pourrait être monnayé aujourd'hui sous forme de milliards de dollars. Alors, je l'annonce, et puis les humains se gorochent, et puis ils vont creuser cet Eustache complet. Mais lorsqu'ils auront fini de creuser cet Eustache, et qu'ils n'auront pas trouvé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien, ils vont cesser de creuser puis de chercher. Il y aura quelques coquins qui vont se dire, peut-être c'est Saint-Eustache aux États-Unis, peut-être c'est Saint-Eustache en Italie, peut-être c'est Saint-Eustache au pôle Nord ou au pôle Sud. Et ceux-là vont partir creuser toutes les Saint-Eustaches de la planète. Et certains grands philosophes vont dire, c'est un Saint-Eustache dans un autre monde. C'est un Saint-Eustache sur une autre planète. C'est un Saint-Eustache extraterrestre. Bon, c'est correct. Mais est-ce que la majorité des humains vont continuer à chercher cette Eustache et le trésor? Ils vont tous dire, hey, c'est une vraie farce. Alors pourquoi l'être humain recherche-t-il encore le bonheur qu'il ne trouve jamais? La paix, la sérénité qu'il ne trouve jamais? Parce qu'il est manipulé. Parce qu'à travers ce qu'il mémorise, on lui fait volontairement oublier qu'il s'est cassé la gueule. Qu'après, et on a même un dicton, n'est-ce pas, après la tempête, le beau temps. Il y a un autre dicton, après le beau temps, la tempête. Et il est aussi véridique. On recherche le beau temps et on maudit la tempête. Ce n'est pas une question de conscience, c'est une question d'apprentissage. Alors, il y a donc une façon de muter le corps physique, de façon à ce que les transformations vibratoires que nous allons saisir nous appartiennent. On doit finir par être écœuré d'être écœuré, de continuellement devoir recommencer ce qu'on a fait quand on était jeune. Oh, il y a eu un temps où certains faisaient du yoga, ils étaient en forme. Maintenant, ils ne font plus de yoga et ils sont plus en forme. Il y a eu un temps où l'être humain était physiquement en forme. Un temps où l'être humain, ou un temps, rappelez-vous, vous mangez possiblement bien. Plutôt avant ça, peut-être très croche, mais à un moment donné, on mange bien. À un moment donné, on veut essayer de rendre notre vie plus agréable, plus heureuse, plus fun, plus plaisante. Et puis, c'est toujours à recommencer. Ben, il se passe quelque chose. Quelque chose qui est très intéressant. Quelque chose qui fait que l'être humain n'a pas conscientisé ce qu'il faisait. La question que je pose souvent, c'est, avez-vous une raison intelligente de faire ce que vous faites? Est-ce que l'être humain a une raison intelligente d'évoluer? Est-ce que l'être humain a une raison intelligente de s'acheter une automobile? Est-ce que l'être humain a une raison intelligente de vouloir avoir un corps en santé? Est-ce que l'être humain a une raison intelligente de vouloir être en paix, de vouloir être calme? Est-ce que l'être humain a finalement une raison intelligente d'avoir des raisons intelligentes? L'évolution de la conscience, c'est lorsque, je le répète, on sait une chose. Et tous les humains du contexte nord-planétaire savent. Je le dis souvent, vous savez ce que vous avez à faire. Le problème, c'est que vous fuyez ce que vous savez. C'est-à-dire que l'être humain a juste un manque d'énergie. Il ne peut pas s'y accrocher. Et parce qu'on ne vibre pas suffisamment notre évolution de conscience, cela ne vient pas perturber le code génétique de notre corps physique, les chromosomes, l'ADN. Et finalement, on ne cellularise pas notre état de conscience. L'être humain a toujours transmis son évolution par l'éducation. Peut-être qu'un millième, un dixième de pourcent de l'évolution de l'homme est cellularisé, donc transmissible génétiquement et cellularisé nécessairement avant d'avoir les enfants. Le reste de notre évolution est transmissible par l'éducation. Mais ce n'est pas juste au niveau des enfants que je parle. Il est bien évident que si on aurait des enfants vers 30 et 40 ans, on aurait des meilleurs enfants. Parce que l'expérience que l'être humain va chercher de là, de sa naissance à l'âge où il aura des enfants, elle, il en cellularise une bonne partie, et ça, il le transmet biologiquement aux enfants. L'enfant, il transmet quoi à l'enfant? Il ne transmet pas la paix à l'enfant. La paix, ça ne se transfère pas. Mais par contre, étant donné qu'il aura muté son corps physique quelque peu, qu'il aura vu cette mutation le transformer, c'est cela qu'il transmet aux enfants. C'est là que la génétique transmet à l'enfant. Et l'enfant ayant un corps physique qui se refuse d'exprimer l'angoisse, ben l'enfant ne peut pas être angoissé. Ne pouvant être angoissé, l'âme, toutes les personnalités réincarnationnelles du monde de la mort qui se réincarnent pour constituer une âme, sont attirées par le corps physique. Si le corps physique de l'enfant ne peut pas exprimer l'angoisse, les mémoires de phénomènes qui ont vécu l'angoisse ne peuvent pas se réincarner dedans. Alors l'enfant a une âme qui ne vit pas l'angoisse, et de toute façon, le corps ne l'exprimera jamais. L'âme ne se connaît que si elle le voit exprimer. Le corps ne l'exprimant pas, l'âme ne le lit pas, et lentement, l'âme change. L'âme n'évolue pas. L'âme, elle est mémorielle, expérientielle et programmable. La conscience est autre chose que de l'âme. La conscience, pour la différencier de l'âme, tous les êtres humains ont une âme. Et ces âmes engendrent des désirs, des émotions. Et tous les êtres humains se chicanent. De temps en temps, ils le font avec des armes. De temps en temps, ils le font avec des papiers, avec des avocats. Et de temps en temps, avec des casseroles. Mais les humains se chicanent. Par contre, si on demande à tous ces humains qui se chicanent, comment devrions-nous vivre sur la Terre? On ne demande pas ça à une masse politique. Quand on s'adresse à une gang de monde, on s'adresse à des animaux. Le plus brillant de tout le lot complet n'est même pas aussi brillant qu'un chien lorsqu'il est dans un troupeau. Lorsque nous rencontrons une masse d'humains, une collectivité d'humains, on a affaire à un animal. Lorsqu'on prend les individus dans la collectivité et qu'on leur pose des questions à part, là, on a affaire à des êtres humains. Alors, si on pose des questions à des êtres humains, à des humains individuels, eh bien, ils vont tous répondre la même chose. Ça, c'est l'expression de la conscience. Ça, de l'âme. Pas de ce qu'ils ont appris. On demande à un enfant de 6 ans, comment penser qu'on devrait vivre sur la Terre? Bien, l'enfant va répondre, on ne devrait pas faire de guerre. Ça, il a vu ça dans les journaux, il a vu ça à la télévision, les adultes, ils ont appris. Là où il y a de la conscience, c'est que l'enfant n'a pas appris de A à Z. Et on pose la question à l'enfant, bon, parfait, pas de guerre. Une guerre, ça ressemble à quoi? Là, il va encore répondre avec ses mémoires. Pas une guerre, c'est quand on a des avions, des chars d'assaut, on se lance des bombes, on se tue. OK. Et là, on lui demande, est-ce qu'une guerre peut aussi se faire sans se tuer? À coup de matraque, ça tête des autres. Là, il va essayer de fouiller dans ses mémoires pour adapter ce qu'il a comme expérience à la question. Là, la conscience commence à travailler. C'est son ajusteur de pensée. Et là, s'il est suffisamment libre de dire ce qu'il a à dire, eh bien, il va dire, ben oui. Et là, on lui pose la question. Quand un être humain se chicane ou s'engueule avec un autre, est-ce que c'est comme une petite guerre? Ben, il va répondre oui. Et quand on lui pose la question fatidique, que là maintenant il sent venir, l'âme le sent venir et l'âme la fuit déjà, quand tu te chicanes, n'es-tu pas responsable un peu d'une petite guerre? Et l'enfant ne pourra pas faire autrement s'il a génétiquement la possibilité de détecter son ajusteur de pensée, donc une partie de sa conscience, de répondre oui. Alors maintenant, il sait très bien ce qu'il doit faire. Il ne le fera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vibré. Il ne le vibre pas régulièrement. Il a maintenant eu un petit contact avec son ajusteur de pensée, un petit contact avec sa conscience, parce qu'un adulte, quelqu'un, l'a paramétré dans la réponse. Hein? On posait des questions pour l'amener à répondre une chose. Si l'enfant ne le vibre pas, jamais il ne le répondra. Mais l'amener à répondre une chose, c'est nécessairement se mettre en communication avec lui. Et si la chose ne provient pas de ses mémoires, nécessairement elle provient de sa conscience. Tout le système d'éducation est une farce, ça va de soi, parce qu'on devrait toujours forcer l'apparition de la conscience dans les enfants jeunes. Pas quand ils sont bourrés de mémoire, mais leur dire que maintenant que tu sais tout, il faut que tu oublies tout, on recommence. Comme les adultes souvent veulent faire. On devrait pas faire. Il arrive donc ceci. Il arrive que lorsque l'être humain mémorise, lorsque l'être humain apprend, il ne peut faire autrement que de souffrir ce qu'il a appris. Avant, je ne le savais pas, mais au moins ça ne me dérangeait pas. J'allais sur le bord des criques, puis je prenais des roches, puis j'écrasais les grenouilles, puis je trouvais ça au bout. Puis de temps en temps, j'épognais, puis je mettais une cigarette dedans, ou un peu de ramèche, puis j'injectais de l'essence, et puis après ça, je me regardais comment ça brûlait. Maintenant que j'ai appris la maudite loi du karma, que j'ai appris que l'écologie, ça existait, que j'ai appris que c'était des êtres vivants, que j'ai appris que... Ben là, je suis pris. J'ai encore le goût de les écraser. Chaque fois que je n'écrase une, ça me fait quelque chose. Et l'humain, associé à la non-conscience, va dire, bien, c'est normal, ça évolue. Ça me fait penser à l'amour psychologique. Quand tu aimes, c'est facile à savoir. Si tu souffres, t'aimes. Ah oui. Si tu t'ennuies, t'aimes. Si tu es jaloux, t'aimes. Si on peut te manipuler de A à Z, t'aimes. T'évolues, tu vas souffrir plus. C'est beau, lâchons pas. Alors, il y a des personnes qui, pensant que l'évolution, c'est justement souffrir, ils ne veulent pas lire. Je connais des personnes qui ne veulent même pas regarder les étoiles, parce que ça leur fait prendre conscience qu'ils sont peut-être pas aussi grands qu'ils le veulent. Et plusieurs ne veulent pas rien lire. On ne veut pas parler de la mort. Oh, pardon, de sujets plus fun que la mort. Ben, franchement, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de pas le fun de parler de la mort. Un sujet comme un autre. L'humain fuit, parce que quand il apprend, il souffre. Celui qui devient conscient ne souffre pas. Il s'amuse. Il ne souffre pas, il n'apprend pas. Donc, il ne prend pas des concepts nouveaux. Il va comparer des vieux concepts. Et là, les deux concepts vont se battre ensemble. C'est ce qu'on appelle la souffrance. Celui qui a une conscientisation, il vibre des choses. Mais le problème, c'est que bien souvent, on a peur de se conscientiser parce que la conscientisation est légèrement mémorisée et s'engendre la souffrance. Un point tel, habituellement l'humain, lorsqu'il commence à se conscientiser, son âme vient immédiatement à l'écoute, puis là, elle le surveille. On s'assoit quelque part sur le bord des chutes du Niagara et puis on contemple l'eau qui tombe à terre. Bon. Et puis là, on va dire à quelqu'un, l'autre ne répond pas. Si l'autre ne répond pas, c'est qu'il est en train de vibrer. Et là, qu'est-ce que l'âme va dire? Bon, il tripe. Ah oui, c'est un péché. Parce que s'il résonne, s'il vibre, s'il se voit de l'image de l'onde de forme, il se change. S'il se change, il prend du dessus. Il n'y a rien de plus place pour une collectivité que de laisser un individu l'y dépasser. Et qu'on s'organise pour les contingences. Là, au moins, il est vainqueur. Lentement, notre individu qui est en train de triper découvre qu'il est en train de planer. Hein? Il est en train de se fusionner au chute du Niagara. Il est en train de détruire la distance qui le sépare de ce qu'il voit. Il est en train de communier. Il le découvre soudainement. C'est ça le problème. Le découvrant, il voit qu'il est en train de changer son corps physique. Il voit qu'il est en train de se conscientiser. Il conscientise quoi? La conscientisation, là, c'est ce qui se fait en mots. Ah, ben, j'ai conscientisé la molécule d'eau qui dévalait. Donc, c'est pas ça pendant tout. Ça, c'est de la fluctuance. J'ai conscientisé que pendant 15 minutes, j'ai cessé d'exister. Voilà ce que j'ai conscientisé. J'ai conscientisé que pendant 15 minutes, j'étais tout. J'ai conscientisé que j'ai tout oublié. J'ai conscientisé que je suis en forme. J'ai conscientisé que je suis relaxé. J'ai conscientisé que rien. J'étais un être vivant. Je viens d'expliquer que l'âme s'exprimait par le système endocrinien, par le corps physique. Donc, l'âme a besoin de thalamus pour lire ce qui se passe dans le corps. Mais quand on observe une chose, l'information passe par le thalamus, qui est le siège central de décodage de l'âme. L'âme est au courant de l'information, elle la colore à sa volonté, et puis elle la redistribue dans les hautes sphères du thalamus, et maintenant ça va au cortex. C'est là que le mental en a conscience. Alors, le mental, il regarde les chutes et il voit des chutes. Parce que l'âme s'en mêle, l'âme ramasse l'information, la colore, et bien le mental voit des belles chutes. Le mot beau est rentré dedans, il y a l'émotion qui est rentrée dedans, le mental ne peut plus voir les chutes comme elles sont. Ou bien non, il les relève, c'est la même chose. Lorsque notre âme s'exprime par le système endocrinien, elle a nécessairement besoin d'un corps physique de type animal. Un corps physique comme le corps physique de l'humain sur la planète présentement. Un corps physique qui n'a presque pas changé, mais qui change à travers les millions d'années de l'évolution de l'âme. Mais l'évolution est exponentielle. Plus ça évolue vite. Comme la science, après la Deuxième Guerre mondiale, ben, ça a fait de nous. Ben, c'est comme ça que l'évolution de la conscience se fait aussi. Le problème, c'est que moi, en tant qu'âme, je m'exprime. Lorsque je vois quelque chose qui me plaît, je sécrète plein d'hormones. Les sécrétants, eh bien, je lis dans mon corps ce qui se passe. Et là, mon âme, moi, en tant qu'âme, je sais que j'ai vie. Je sais que j'ai sécrété. Je sais que je me suis exprimé. Alors, il est bien évident que la partie de mon âme qui a peur, lorsqu'elle détecte que le cœur s'accélère, elle sait que c'est elle qui l'a engendré. Donc, elle sait qu'elle vit. Mais lorsque je vibre, lorsque ce maudit corps-là vibre aux chutes du Niagara, à n'importe quoi, lorsqu'il est en résonance, lorsqu'il se conscientise, pendant sa conscientisation, je ne peux pas m'exprimer, moi, en tant qu'âme. Ne pouvant m'exprimer, il y a 15 maudites minutes que je ne sais même plus si j'existe. Alors, j'essaye d'exprimer la peur. Le corps ne l'exprime pas. Et l'individu va dire, j'ai pas eu peur. J'essaie d'exprimer, hey, les problèmes financiers, le câble, là, ça passe pas. Le gars va dire après, ou la fille va dire après, non, j'avais aucun problème financier, j'avais. L'ego va tout faire pour créer des symptômes mémoriels dans le corps et ça ne passe pas. Parce qu'il y a une protection neuronique. L'âme, c'est de la mémoire dans laquelle s'identifie un agglomérat qui devient l'ego. L'âme est paramétrée par une enveloppe, le périsprit. C'est de l'énergie vitale, une substance intra-atomique qui permet la création des particules subatomiques qui créent les neutrons, les protons, les électrons, les photons, les neutrinos, etc. Qui créent les atomes, qui créent la matière. Donc, on est matériel, on a plein d'énergie subatomique. C'est de l'énergie vitale. Lorsque l'âme vibre, elle crée des perturbations, disons, énergétiques au niveau de l'âme, dans les mémoires volatiles, qui est l'expérience de l'âme, et ça vient influencer le périsprit de l'enveloppe, qui est de l'énergie atomique, et qui nous constitue. Pas de corps physique, pas d'âme longtemps. Et là, il arrive que j'ai des petits neurones, moi, qui sont des structures atomiques et qui vont être polymérisés, qui vont légèrement avoir des perturbations au niveau de leur structure électronique, circulaire au noyau, et ça engendre des perturbations, puis finalement, ça crée une dépolarisation qu'on appelle un influx nerveux. Et là, maintenant, mon cerveau commence à se promener, puis il se dépolarise selon une programmation particulière, et puis ça crée une image électromagnétique qui est mon idée, ma vision. Étant donné que ça crée cela, la perturbation de toutes les dépolarisations engendre nécessairement une perturbation d'une autre partie de l'âme, qui est aussi de l'énergie vitale, et c'est là que l'âme sait qu'elle s'exprime. Mais si, à un moment donné, les neurones par lesquels, moi, en tant qu'âme, je m'exprime normalement, sont gelés, pas avec des sécrétions hormonales comme de l'endorphine, la morphine naturelle du cerveau, non, gelés, la perturbation que je produis normalement au niveau subatomique ne passe pas. Je ne peux pas m'exprimer en tant qu'âme. Ne pouvant m'exprimer, je ne sais plus si j'existe en tant qu'âme. Et le maudit problème, c'est que j'ai vu de temps en temps, et je l'ai en mémoire génétique depuis 6 millions d'années, que le corps de l'homme a la faculté de finir par rester assujetti à la vibration. Donc, je peux perdre la possibilité de m'exprimer dans mon corps, moi, l'âme. Alors, lorsque le corps physique est en extase devant les chutes du Niagara, n'allez pas tout péter au Niagara pour vivre cela. Là, on peut vivre ça avec en regardant l'eau couler de son robinet. Bon. Alors, lorsque je suis en extase, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le corps physique est en résonance, il vibre, il y a un sentiment. Le sentiment, moi, l'âme, je ne peux pas le connaître. Quand je le connaîtrai, je le mémoriserai. L'ayant mémorisé, ce sera une émotion. Peut-être que je le trouverai bien plaisant, peut-être pas. Je verrai. Mais là, je veux m'exprimer et je ne sais même plus que j'existe. Et je sens que des parties de mon cerveau ou du cerveau du corps sont en train de se transformer. Pourquoi? Parce qu'ils accumulent de l'énergie. Le noyau est entouré d'électrons. Lorsqu'on donne de l'énergie à des électrons, l'électron a une tendance à vouloir fuir. Lorsque l'électron monte pour fuir, il y a un problème, c'est qu'il perd son énergie. Son énergie engendre une espèce de palier électromagnétique sur lequel l'électron s'appuie. Et on appelle ça un orbital. Lorsque je mets de l'énergie dans le noyau, l'électron est attiré un peu plus. Étant attiré, elle peut ramasser l'énergie de l'orbital et descendre plus bas. Elle n'ira pas plus loin, elle voudra fuir. Ce sont des espèces de systèmes atomico-écologiques. Mais il y a des façons d'augmenter l'énergie d'un atome sans qu'on change d'orbital, ni vers le bas, ni vers le haut, en augmentant le potentiel et du noyau et de l'électron et des sphères d'orbital. Lorsque ces choses-là arrivent, il y a une mutation. C'est-à-dire qu'au premièrement, au niveau neuronique, certains neurones ne se dépolarisent plus, ils ne réagissent plus à la perturbation de moi, l'âme. Alors, moi, j'ai toujours été une âme qui exprimait de l'impatience. Un jour, le corps physique habité par une motadite de conscience s'en va s'écraser devant les chutes du Niagara, passe 15 minutes à les regarder sans rien dire. La partie qui exprime l'impatience essaie de s'exprimer au maximum pour dire au gars, hey, ça fait 30 secondes, il est là, il est temps que tu cries, il est temps que tu trouves ça plate, youhou! Mais ça ne marche pas. Et qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que si mon bonhomme, c'est là que quand je vous dis que l'ego se rend compte, une conscientisation. Elle en a peur. Parce qu'à la longue, moi, la partie impatiente, je vais vouloir faire résonner le système neuronique pour m'exprimer, pour savoir que j'existe. Et ce fichu système neuronique ne se dépolarise plus. Je ne peux pas m'exprimer. Ne pouvant m'exprimer, je ne peux pas savoir que j'existe. Je ne vois plus d'impatience. Ne pouvant savoir que j'existe, je suis de la mémoire. Lentement, je m'oublie. On appelle ça, je meurs. Et lentement, je deviens de l'énergie vitale. Je meurs. Et moi, j'appelle cela de l'anégoïsation. L'évolution du corps dans l'évolution de la conscience, c'est la solution humaine à sa présence. J'ai déjà parlé de l'évolution sécrétoire, l'évolution hormonale qui transforme le corps physique à force de l'attaquer, de le massacrer. Toute forme d'expression émotive tue le corps physique, mais ça permet à l'ego de se nourrir. Et cette altération du corps physique est une mutation endocrinienne, endocrinogénétique. Et lentement, ben, c'est transmissible aux enfants. Mais vu qu'on a des enfants trop de bonheur, la transmission génétique se fait plus par l'éducation. On en a déjà parlé. L'être humain vivait d'une façon sinusoïdale. Il était heureux, malheureux. Alors, lorsqu'il sécrétait par en haut, le corps s'habituait, fait qu'on le rendait malheureux. Là, il sécrétait par en bas, le corps s'habituait, on le retenait heureux. Et tout le système archangélique qui gère la vie des collectivités s'organise pour que l'être humain passe par des hauts et des bas. Ça, ce n'est pas une vie. C'est un passage. C'est une montagne russe. Lorsque l'être humain conscientise ce qu'il fait, l'âme est au courant. C'est un problème. Elle est au courant pareil, la bête corps. Mais, il doit rester une trace d'observation de l'âme qui est au courant. Autrement dit, j'observe ses chutes, et puis à un moment donné, je découvre que j'observe ses chutes. Là, c'est mon âme qui commence à expérimenter. Je n'ai pas besoin de savoir que je les observe quand je les observe. Mais l'âme, elle... L'âme, elle dit, « Hey, c'est-tu beau, ça? » Au lieu de la regarder, l'âme, elle tripe des mémoires. Elle trouve ça beau. Lorsque l'individu commence à observer qu'il conscientise une chose, il en prend conscience. En prendre conscience, c'est vivre avec. C'est la rejoindre et cheminer avec. C'est démolir l'espace-temps. C'est être la chose. Lorsque l'être humain a cette conscience, nécessairement, il est instantané, ça va de soi, et nécessairement, il a la faculté d'être conscient. Lorsque j'observe les chutes du Niagara, je suis l'eau, je suis rien, je suis tout. Et à un moment donné, je prends conscience que je le sais. C'est très subtil. Mais si j'en prends conscience, je dois observer maintenant non plus les chutes, mais cette prise de conscience banale de l'âme. Je dois savoir que quelque chose chez moi est en train d'observer. Ça, c'est l'âme. Mais étant donné que l'être humain s'identifie de toutes ses forces à l'âme, il va dire, « Hey, je suis en train de voir les chutes du Niagara. » C'est faux! Tu es en train de voir que quelque chose est en train de voir que tu vois les chutes du Niagara. Mais la conscience n'a pas besoin de le dire. Quand le soleil se lève, il n'arrive pas en haut, puis il dit, « Ah ben, je suis levé! » Pas besoin. Lorsque l'être humain se lève, hein, est-ce que ça vous arrive souvent? Hey, je marche. Mais oui, je marche. Hein, puis un, deux pieds, trois pieds, je marche. Tu marches, mais tu fais rien d'autre. La conscience ne s'annonce pas à elle. Mais par contre, l'âme, elle ne peut pas faire autrement pour savoir qu'elle existe que d'observer les traces qu'elle laisse. Elle ne sait pas autrement. Vous n'avez qu'à expérimenter. Lorsque vous n'avez aucune émotion, observez votre corps physique. Il n'y a aucune réaction. Lorsque vous vivrez quelques petites émotions que ce soit, si vous êtes capable de dire que vous avez une émotion, observez votre corps physique, il réagit à quelque chose. C'est pourquoi vous le savez. Si votre corps ne réagit à rien, vous n'avez pas d'émotion. Vous êtes nerveux? Pas de problème. On vous donne un anxiolytique. Hein? Et puis là, l'anxiolytique, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il empêche l'expression. C'est une réaction chimique. Neurochimique, il empêche l'expression de la partie de l'âme. La médecine ne sait pas pour ce qu'elle fait, mais elle le fait bien. Et comme l'âme n'arrive pas à s'exprimer, mais là, vous vous observez, puis « Ah, ben ça me fait du bien, ces médicaments-là, ça me calme, ça m'ôte mon angoisse. » Ah oui, mais ça! Parce que le corps ne l'exprime plus, vous ne savez plus que vous êtes angoissé. Ne le sachant pas, vous l'oubliez. C'est-à-dire que l'âme ne peut pas savoir que, puis finalement, elle exprime autre chose que de l'angoisse. Là, conscientisation entraîne nécessairement une mutation du système neuronique, donc du cerveau. Et le cerveau étant constitué de plusieurs parties à part des deux hémisphères, du cervelet et du bulbe rachidien, dans l'occurrence l'hippocampe, le corcaleux, le thalamus, l'hypothalamus et quelques petites glandes endocrines qui sont connectées au niveau du cerveau. Pardon, ce cerveau est relié à tout le système endocrinien du corps physique par lequel s'exprime l'âme. Et lorsque le cerveau change, l'âme perd des manières de s'exprimer. Perdant des manières de s'exprimer, elle meurt. Elle s'en égoïse. L'ego décolle. S'en égoïsant, nécessairement, elle souffre. Et cette souffrance est suffisante pour que la majorité des êtres humains préfèrent vivre une évolution amique, qu'on appelle spirituelle. Moi, je parle d'une évolution spirituelle parce que bien souvent, on mélange les choses. Je le dis souvent, quelqu'un qui fait de l'esprit, c'est quelqu'un qui est comique. Quand on voit un esprit, on voit un fantôme. Donc, les mots ne veulent plus rien dire. L'évolution spirituelle, ben, tu aimes tout. C'est l'évolution spirituelle. Oui. Tu veux vivre en paix, tu veux être heureux. Et puis tu souffres du moment que tu vois quelqu'un de malheureux, etc. C'est une évolution qui est qu'au niveau émotif. C'est l'évolution apparente de l'âme qui a expérimenté l'évolution du contact avec l'esprit et elle s'en est accaparée en disant que je suis l'esprit. Rien qu'à me faire évoluer, de savoir, je suis capable moi-même. C'est comme si vous aviez un cheval qui peut parler et qui essaie constamment de vous convaincre qu'il peut faire le même travail qu'un tracteur. Essaye-moi, laisse-moi le temps. Ben oui, mais là, ça fait déjà 6 millions d'années, pour ne pas parler des 4,6 milliards d'années que la planète Terre existe, qu'on lui laisse le temps à l'âme. Et entre-temps, qu'est-ce que l'âme arrive à faire? Eh bien, des armes plus puissantes. Mais elle n'a pas changé son problème. Elle arrive à faire à inventer un système de distraction totale. Mais elle n'a pas réglé son problème. Elle arrive à faire qu'au lieu de se marier, on s'accote. C'est comme ça, on se divorce plus et c'est réglé. Non, pas réglé. On a changé le mot. On ne se divorce plus parce qu'on n'est plus marié. On se sépare pareil. Montrez-moi une âme qui a changé sur la planète. Vous allez voir que ça ne se trouve pas. Mais lorsque l'être humain conscientise quelque chose, il vit. Et pour vivre, on ne doit jamais mémoriser ce que nous vivons pour après ça observer dans la mémoire. Hein? L'exemple que je donne souvent, c'est la personne qui va faire un voyage, qui prend plein de photos de son voyage, elle ne regarde rien, elle prend des photos, elle y va, t'es un kid Kodak. Ça marche. Puis là, quand elle est revenue, elle a hâte qu'il soit développé. Maudit, c'est là, on a hâte de voir ce qu'elle a visité. Puis une fois que c'est développé, bien là, on est donc ligne dans l'appareil à la diapositive, puis là, on regarde, hey, c'était-tu beau? Wow! Là, on aime ça. Puis nécessairement, vu qu'on n'est pas sûr d'aimer ça, bien, on invite la famille, les voisins, puis là, on aime ça en gang. Et puis en plus, qu'est-ce qui arrive? Il arrive qu'il y a des petites mémoires de certains moments où on a vibré. Ça a peut-être duré un millième de seconde. Et là, on regarde la photo et on dit, mais c'était plus beau que ça, tu sais, c'est dommage que les photos n'arrivent pas à donner. Pourquoi c'est dommage? Parce que tu as oublié de le vivre quand tu étais là, puis tu aurais voulu te reprendre là. Ça, c'est dommage. Ah, qu'une vidéo, c'est mieux. Hein? Là, c'est des panoramiques, là, ça marche, c'est parfait. Fait qu'une vidéo, ben, finalement, c'est encore des affaires plates. Là, il manque le son stéréophonique. Alors, quand tu as tout le gros kit à 15 000 $, quand tu le projettes, ben là, il manque l'odeur. Tu sais, un peu, m'allumer de l'encens, savoir, il manque. Il va manquer des choses. Parce que l'être humain qui vit, on ne peut pas reproduire ce qu'il vit. Ni avec la mémoire de l'homme, ni avec toute la matière, la technique, la technologie. Étant donné que lentement le corps change, il arrive des choses. Première chose qui va arriver. Chaque fois que vous étiez, disons, angoissé, l'âme, lorsqu'une partie de l'âme qui est nourrie de mémoire d'angoisse veut se nourrir, eh bien, elle vous angoisse. C'est ce qui se passe. Ça tourne dedans et puis ça vous fait changer d'humeur d'un 15 minutes à l'autre, d'une journée à l'autre, d'un mois à l'autre, dépendant des individus. Et là, il y a une partie, celle de l'angoisse, là, qui a fait 2-3 semaines, elle peut être angoissée, là. Et puis là, ben là, elle meurt, elle s'oublie. Alors, lentement, on lui laisse sa chance, elle vient se placer pour se nourrir. Pour se nourrir, elle fait quoi? Ben, pour se nourrir, elle a besoin de s'exprimer, puis là, elle sait qu'elle est là, puis ça la sécurise et elle part se recoucher. Bien souvent, la partie angoissée va avoir de la difficulté à monter parce que la partie qui se nourrit ne veut pas laisser la place du système thalamien. Alors, on annonce une augmentation d'impôts à la télévision, ça peut être suffisant pour que l'angoisse arrive. Ou bien ça sonne à la porte à une heure incongrue, puis là, on se crime, mais c'est pas encore huissier. Bon. Je parle d'une chose, votre mari n'arrive pas, votre femme n'arrive pas, vos enfants sont en retard un peu, n'importe quoi, vous en allez en automobile, puis à un moment donné, ça fait tchoc-tchoc, tchoc-tchoc, tchoc-tchoc, tchoc-tchoc, tchoc-tchoc, tchoc-tchoc. Là, vous dites, tu l'asphalte, tu as un pneu. Là, on regarde, on voit pas les lignes sur l'asphalte. Là, on sait pas si c'était un pneu, puis on espère de pogner de l'asphalte plus belle pour voir. L'angoisse. Il arrive quoi? Il arrive que là, la partie vient se placer pour se nourrir. Mais comment elle se nourrit? Je l'explique. Elle doit s'exprimer. Alors, elle s'exprime, et puis là, vous allez avoir un serment quelque part. Vous allez avoir quelque chose. Ce symptôme pathologique-là, disons, pas pathologique, mais physique, est l'expression de l'angoisse et vous avez appris à le connaître dans votre corps physique. Quand votre corps vit certaines choses, vous savez comment vous êtes au niveau de l'âme, au niveau psychologique. Mais là, il arrive que vous avez conscience. C'est une chute du Niagara 4 fois. Là. Alors, nécessairement, il y a eu des mutations. L'âme vient pour s'exprimer, puis ça ne passe pas. Alors, qu'est-ce que va faire notre petite âme? Eh bien, elle va essayer de s'exprimer par une autre partie du cerveau. Elle va chercher. Là, quand elle va trouver quelque chose, elle va s'exprimer par là. Mais ces connexions-là mènent où? Avant, vous aviez une contraction des gastrocnémiens, une contraction des muscles jumeaux ici en arrière de la jambe. Ça se contractait, votre pied devenait raide. Mais là, vous ne l'avez plus, ça! Alors, vous n'êtes plus angoissé. Sauf qu'à un moment donné, vous avez une affaire ici qui fait floup, floup, floup, floup. Alors vous dites, voyons, qu'est-ce qui arrive? Là, vous vous contractez, vous marchez, vous pesez. Ça n'apparaît pas nécessairement à l'autre bord, là, pas d'une vue. Là. Là, on arrête. Ça passe. Ou ça reste. À un moment donné, c'est vos yeux qui viennent croche. À un moment donné, c'est des bruits des oreilles. À un moment donné, c'est des douleurs rétrosternales, comme une crise de cœur. Sur l'électro, il n'y a rien. QRS, c'est bien normal. À un moment donné, ça va être, vous ne dormez plus. Vous vous tournez. Ça peut être des démangeaisons. À un moment donné, vous devenez allergique à quelque chose. À un moment donné, vous avez des appétits féroces pour... Ou vous devenez carrément diabétique. Le diabète, c'est un phénomène hormonal. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que notre âme qui cherche à s'exprimer pour ne pas mourir, mais quand elle trouve une manière de s'exprimer, puis qu'elle voit le résultat, bien là, elle dit, c'est moi qui fais ça. Là, elle se réessaye encore, ça donne le même résultat, c'est moi. C'est simple. Avant, moi, pour savoir que j'existais, quand j'étais tout petit, je faisais dans mes culottes. Là, ma mère, elle arrivait, elle criait. Fait que là, je me disais, crime, c'est moi qui ai fait crier de même, c'est au bout, j'existe, je vis. Mais à un moment donné, bien là, j'étais rendu un peu plus âgé, puis ma mère, elle m'avait mis un bouchon, on ne peut plus. Ne pouvant plus, bien là, je ne vivais plus. Ma mère, elle criait plus. Comment puis-je savoir que je suis là si je ne manipule, s'il ne se passe rien, si je ne suis pas perturbateur de quoi que ce soit? Alors, j'ai commencé à manger, puis à me mettre la cuillère dans la bouche, à tout vomir sur la table. Ah, ma mère a commencé à crier. Fait que là, je dis, ah, bon, ben ça y est, je connais. J'avais trouvé une autre manière d'exprimer, de m'exprimer. Et là, je voyais le résultat, puis là, je me sentais vivre. Et c'est ce que l'âme fait. Parce que vous osez vous conscientiser, vous risquez d'être malade. Vous risquez d'avoir des pertes de mémoire. Vous risquez d'avoir des problèmes physiques. Le corps, l'évolution du corps, pendant l'évolution de la conscience, il peut souffrir. Moyen de pallier à ça. Mais dans la majorité des cas, c'est ce qui arrive. La personne n'a jamais été malade, mais à un moment donné, on découvre des problèmes chez elle. Et la majorité des problèmes d'une évolution de conscientisation sont des problèmes psychosomatiques, c'est-à-dire endocriniens. 99,999 des maladies de l'homme sont des maladies évolutives. Ils vibrent peut-être toutes cumulées ensemble, 15 minutes de conscience dans sa vie est suffisant pour faire muter le corps. Il est 15 ans de maladie en tout cumulé. S'il vibre un an tout cumulé ensemble, et nécessairement plus il va vibrer, plus le corps va muter. Et plus le corps va muter, plus il va changer. Alors il va être en paix. Il va être en paix. Il n'aura plus peur. Il y a une main qui va s'élever tout seul. Il n'y a pas qu'à rabaisse. Il est en paix. La main, elle ne dérange pas, mais elle dérange les autres dans le métro. Puis quand il vient pour mettre son billet dans la boîte, bien. Ça change les choses. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent? Je commençais à être patient. Et subitement, là, je le baisse, là, ça recommence. Et qu'est-ce qui se passe? Je redeviens impatient. Je suis récupéré par mon monde. ou par mon clic, ou par ma faim à 11h30. Je commence à dormir, pouf, j'ai faim. Ça marchait pas de même. Là, j'ai faim. Je ne déjeune jamais. Et subitement, paf, faut que je déjeune. Il se passe quelque chose. Je déjeune toujours à 8h, je peux travailler, j'arrive à 9h. Là, j'ai plus faim à 8h. Mais à 11h, j'ai faim, mais je dîne à midi. Et là, je recommence à recréer des stimulations biologiques, des périphériques, qui vont me permettre de revivre ce que je pensais avoir réglé. Quand on se conscientise, on change. Quand on se conscientise, on ne souffre plus. La souffrance n'est pas l'apanage de celui qui se conscientise. Quand vous êtes en état de vie, vous ne souffrez pas. C'est après. Et lentement, ça engendre des symptômes, des pathologies dans le corps physique de l'homme, des maladies de l'évolution qui sont perturbatrices et qui bien souvent vous récupèrent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? J'étais impatient. Je m'assoyais dans une chaise et puis là, c'était pas long que je bougeais, puis je me repassais là, puis ça allait pas, puis ça, là, je me levais, puis là, je me refais, puis finalement, j'étais écœuré d'être debout, je me rassoyais, je me couchais. Tout pour que mon impatience continue à s'exprimer de façon à ce qu'elle sache qu'elle vit. Je suis un impatient. À un moment donné, à force de conscientiser des choses, je me suis assis un jour et j'ai regardé quelque chose et je me suis connecté à la chose. Alors, je n'ai pas pu laisser exprimer mon impatience. Je suis resté assis pour la première fois pendant un laps de temps relativement long et j'ai réussi. Mais j'en étais pas conscient. Pas du point de vue de l'âme, j'étais conscient dans la conscience, pas du point de vue mémoriel. Lorsque donc je me reviens à moi, sans réalité, lorsque je retourne à l'extérieur de moi et retourne dans la mémoire de l'âme, eh bien là, je découvre que, hey, tabarnouche, ben, c'est une bonne technique de méditation, ça, j'ai respiré 4 fois puis j'ai fait une 20 minutes. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que maintenant que je l'ai expérimenté, là, l'autre fois, quand je vais m'asseoir, je commence à respirer, puis les mains font 20, 30, 40, là, l'âme, ben, je ne crois pas avoir la même façon. Ça ne marche plus comme ça. Il arrive simplement qu'après un grand laps de temps de conscientisation, je ne suis plus impatient. N'étant plus impatient, il y a une grande partie de moi qui ne peut plus s'exprimer. Ne pouvant s'exprimer, elle ne peut plus savoir qu'elle est là. Ne sachant plus qu'elle est là, elle ne s'auto-énergise pas. Ne s'auto-énergisant pas, elle meurt. Prenez l'exemple, ou attendez encore un peu, mais prenez l'exemple de vos parents ou des personnes âgées qu'on place dans des centres d'accueil. Si on ne va jamais les voir, si on ne leur téléphone jamais, si on ne leur écrit jamais, si on ne leur envoie jamais rien, elles finissent par ne même plus savoir. Elles ont encore leur stimulation. Bon, quand le bonhomme se fait raser, se couper, bon, ça stimule un peu. Quand la personne âgée vient pour manger, elle voit les belles patates, la petite viande, là, les petits pois à côté, puis le préposé qui vient, qui mélange tout ça au complet dans un smot, après ça, qui fait pour que ça aille plus vite. C'est ce qui se fait. Si vous ne pouvez pas manger, les plateaux sont tous jolis parce que ça passe devant des gens qui surveillent, mais rendu dans les chambres là-bas, c'est autre chose. Ben, ça vous stimule un peu, vous regrettez, vous nostalgisez, puis lentement, vous mourrez pareil. Lorsque l'être humain se conscientise, il doit pallier à ce retour. Je suis maintenant patient. Et à un moment donné, je perçois quelque chose de neuf chez moi. Une allergie, c'est possible. Des bourdonnements, c'est possible. Une perte du goût, c'est possible. Le goût de fumée, c'est possible. Je perçois quelque chose que je ne connaissais pas. Et lentement, je vais revivre le même état d'impatience que je pensais avoir réglé. L'âme ne veut pas mourir comme ça. Elle n'a pas engendré toutes les théologies planétaires pour rien. Elle veut rester. Et le collectivé, c'est la normalité. Oh, mais c'est normal de pleurer, tu devrais pleurer. Très bien, j'ai réglé ça. J'ai plus besoin de pleurer, ça ne vient plus. Je ne peux plus sécréter. Puis là, on fait tout me ramener. Ça m'enrage. Je vais peut-être pleurer d'être avec du monde de même. Pas pour ce que l'autre voudrait que je pleure. Il arrive donc qu'après un laps de temps de ma vie patiente, je me lève un matin. Et le même motadis, moineau, le même écureuil qui d'habitude vient gratter dedans mon moustiquaire, bien, cette journée-là, il m'irrite. Pourtant, j'ai toujours bien supporté. Et c'est là qu'on doit faire attention. Vous devez, lorsque vous avez réussi à passer quelques heures, c'est un minimum, aller à une journée, ce qui serait très intéressant, un état que vous pensez intelligent d'exprimer. La colère, c'est pas intelligent de l'exprimer. Pourquoi? Parce que l'humain ne la contrôle pas. J'ai jamais vu l'être humain, moi, se dire, tiens, viens de me faire ça, on va me mettre en colère. Oui, pourquoi? J'ai en plein ça, oui. Il n'est pas en colère. Jamais. Il se met en colère, puis après ça, il sait qu'il l'a été, mais jamais il ne le décide. Il est carrément manipulé par une partie de l'ego qui prend de dessus. Ça sécrète au coton, ça gueule, ça tape, puis c'est amusant. Bon, pour un observateur, très amusant de voir ça. Il pense qu'il a décidé de se mettre en colère. Bon, il s'est cassé un poignet, puis il a cassé de la vaisselle, puis il a décidé tout ça. S'il a décidé, c'est un imbécile. Vous n'allez pas lui dire qu'il va se remettre en colère. Il décide tout le temps de se mettre en colère. Bon. Lorsque je revois de l'impatience, je dois décoder, je dois observer immédiatement, et c'est là la clé. Je redeviens patient. Je redeviens impatient, puis j'étais patient. Ne vous identifiez jamais à ce que votre corps fait. Que ça s'exprime, ça va, ça ne vous regarde pas. Votre corps physique est présentement programmé génétiquement pour être relié à l'âme, l'âme de la mémoire. Et cette mémoire-là, elle fait des copies plus ou moins conformes mais colorées de votre conscience. Et elle joue à vous. Étant donné que l'âme a une plus grande connexion entre votre corps physique par le biais du système endocrinien et elle, que votre conscience et le corps, nécessairement, elle s'exprimera drôlement plus que vous autres. Mais étant donné que l'homme a un peu de conscience et il voit souvent qu'il vit des états, et qu'il s'identifie à ça parce que l'ego est toujours en train de dire « J'ai peur, j'ai faim, j'ai ceci, je désire ça, je suis écœuré, j'ai... » Oui, donc, mettons-en. « J'ai froid, ton corps physique a froid. » Lorsque, après avoir été patient, je redécouvre que je redeviens impatient. C'est bien simple, je viens pour ouvrir mon tiroir de commode, il y a deux poignées, alors j'ai les mains pleines. J'ouvre avec une poignée, puis ça ouvre pas parce que c'est en diagonale, ça reste bloqué. Puis là, je commence à... Oh! Observons. Et lentement, je peux redevenir ce que j'étais. Pourquoi? Parce que je le permets à mon astral, donc à mon âme, de trouver, de programmer une nouvelle partie de mon système neuronique de façon à pouvoir s'exprimer. Et si je continue à la nourrir, elle va redevenir en force et je serai redevenu. Alors, dans... toute ma vie, j'aurais été patient et je serais redevenu impatient. J'aurais recommencé, j'aurais oublié ça, je m'en serais tanné. Lentement, ben, j'aurais pensé que c'est pas correct. 10 ans après, peut-être, j'aurais recommencé à travailler. J'aurais réussi un petit bout de temps, puis finalement, j'aurais recommencé à revenir comme avant. Et puis là, ben, je passe ma vie comme ça, à faire semblant, finalement, d'avancer. Dans l'évolution, l'impatience est un grand problème. Pourquoi? Parce que l'être humain est impatient d'être patient. Et nécessairement, il perd. C'est comme celui qui est toujours à la recherche de la liberté. Il ne sera pas libre tant qu'il la cherchera. Il doit se libérer de la liberté. Lorsque l'être humain se conscientise, il nécessairement mute son corps. On n'y échappe pas. Et lorsque je dis on n'y échappe pas, je parle au niveau de l'âme. L'âme va nécessairement perdre. Elle va perdre le contrôle du corps physique, elle va perdre le contrôle de votre corps, ce qui veut dire que 90%, vous allez perdre votre corps. Il va rester la vie chez vous. Il va rester la conscience chez vous. Il va rester un amour intelligent, au-delà de l'amour psychologique, sélectif, conditionnel et souffrant. Il va rester un plaisir que vous ne connaissez pas souvent. Et ça va rester tout le temps. Parce que le petit 5-10% de conscience va évidemment prendre dessus. Au lieu d'observer comment vous avez aimé les fleurs, vous allez raisonner aux fleurs ou à n'importe quoi. La conscience de l'âme fait tout pour empêcher la conscientisation parce que la conscientisation transforme le système neuronique qui empêche l'âme de s'exprimer, donc de se lire, et elle meurt lentement. Une égoïsation. Lorsqu'on pense avoir réglé un problème de l'âme, il est toujours là, l'âme, mais on ne le sait plus, elle ne le sait pas. On l'a réglé, à court terme. Lorsque lentement, celui-ci, l'âme, aura...